incarné, pas répété. Tanké, tu connais pas le cache-né. Tu finiras noyé, y'a ton B. Pour la sauver, la seule solution, tous les tuer.